nous allons nous assurer que le chemin est libre et que sans accarade la contrebande peut passer. Existe une bonne et brave vieille femme qui me croit honnête homme. Elle se trompe, hélas. Qui donc est cette femme? Ah, Carmen, sur mon âme, ne raillez pas, car c'est ma mère. Si tu redis ces mots,